Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est samedi et c'est le moment de votre rendez-vous Disco Funk. La découverte aujourd'hui, c'est Léon Haywood et son titre Don't Push It, Don't Force It, sorti en 1980 et extrait de l'album Naturally. Le chanteur est aussi connu pour l'écriture d'un tube que l'on a déjà écouté, She's a Bad Mama Jama, pour Carl Carlton. Sa carrière périclite durant les années 80, son titre sera classé 2e aux USA et 12e en Angleterre. L'artiste va s'éteindre en 2016 durant son sommeil. C'est parti pour l'écoute. Don't push it, don't force it. titre à suivre va vous surprendre, c'est évident. Pour les 100 hits, on passe à Blondie et son Heart of Glass. Le punk et le disco entretiennent des liens très spéciaux. Ces deux styles sont apparus à la même époque et ont évolué ensemble. À sa manière, le disco a un côté punk dans sa recherche de liberté et d'anticonformisme. Mais ces deux courants cultivent un antagonisme flagrant. Le mouvement anti-disco est largement suivi par les punks, bien sûr. Des musiciens, au contraire, décident de s'en inspirer pour donner une sorte de mutant disco. Blondie sort Heart of Glass dans ce contexte. En 1975, Debbie Harris et le guitariste Chris Stein composent Once I Had a Love, inspiré de Rock the Boat. Surnommée The Disco Song, elle surprend le public punk à chaque fois que Blondie la joue en concert, combinée à des reprises disco comme I Feel Love, bien sûr. En 1979, il décide de faire une version électro-disco que le monde connaît de Heart of Glass, influencée par Giorgio Moroder ou Kraftwerk. Ils utilisent une basse synthétique et des sons de clavier futuristes, combiné à une guitare qui fait le lien avec le rock. Heart of Glass est un ovni et devient un gros succès avant Call Me. Pour son album Coco, paru en 1981, Debbie Harry contactera Nile Rodgers. Disco un jour, disco toujours! We'll be right back. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Notre rubrique Face B va nous faire découvrir l'autre côté de Ladies Night, qui s'appelle If You Feel Like Dancing. Il est sorti en 1979. Alors, c'était le 13e album du groupe, il est composé de 6 titres. Ah, pas beaucoup si on compare à ceux de nos jours, bien sûr. Le disque va marquer le style du groupe et il va s'en inspirer pour les suivants. Il a été certifié disque de platine, ce qui constituera une première pour le groupe. C'était en 1979 et ça donnait ça. maxi du jour, on va voyager un peu. Le groupe Voyage, justement, va vous emmener à travers les USA. Leur titre, From East to the West, est extrait de leur album Let's Fly Away, sorti en 1978. Voyage doit avant tout de la rencontre de trois excellents musiciens de studio, Marc Chantereau, Pierre-Alain Dahan et Slim Pézin. Enregistré à Londres, le premier album passe régulièrement chez Régine. Or, comme par hasard, il se trouve que ce même DJ parisien, celui de chez Régine, officie à New York et emmène l'opus avec lui. C'est aussitôt remarqué, signé par un label américain et vendu à quelques 2 millions d'exemplaires au pays de l'oncle Sam. La première vague de la French Touch déferle sur les USA. Il n'en fallait pas plus pour sortir trois autres disques qui connaîtront, hélas, pas le même succès. Souvenir de voyage. We'll be right back. Jet, le festival de toutes les musiques. On arrive à la fin de notre rendez-vous et c'est le moment de la pépite. Aujourd'hui, The Whispers avec leur titre Imagination. Extrait de l'album éponyme, il sort en 1980. Il s'agit de leur 10e album. Sur ce dernier, il y a les hits It's a Love Thing et I Can Make It Better. L'album atteindra la 3e place des hits US et sera certifié disque d'or. Le groupe est actif depuis les années 60 jusqu'au début de l'an 2000. C'est parti! You're mine, gonna get you. C'est déjà la fin. Je vous retrouve même heure, même endroit, samedi prochain sur Fadjet. En attendant, bon week-end. Bye bye.